try it. J'ai de la malice, mais pas de charisme, m'en fous. J'veux juste ma mise, j'rappe pour le love. J'suis même pas anti-police. Y'a des CRS pacifiques et des condés pacifiques. Que ça, j'rappe, j'te sauve, Mimi, saute dans ton crâne profond, dans ton cœur, je glisse. J'rappe pour le love, miss. Des fois, j'ai l'impression que j'ai no peace. J'rappe pour le love, peace. Et mon rap, c'est ma farine. Moi, j'aime pas ça quand ça tape, ça farine. Mais j'fais tout pour que tu bouges ton tape, farine. Quatre faces faciles et la rame passe, charine. Quand tu cherches un rap, ça va pas le faire. Je mets le son fort et le lyrique c'est tapant. Et partant, en partant, je te dis j'ai pas le temps pour la monnaie, pas le temps pour les bijoux, pas le temps pour les conneries, je peux en trouver pour un bisou. Pas le temps pour les trophées, puis j'ai pas les jambes de zizou. Tu te prends pour un gros bonnet, moi j'ai pas le temps pour les filous. Puis j'ai pas le temps pour tes conneries là. T'as pondu un 16, mais moi je te nique, appelle-moi papi. Pardon pour un 16, pardon si j'insiste. Mon son un zeste, si tu prends ta basque au wasabi, ça pique, mais pas si résiste. Tu fais du bac sans mic, non, non j'ai pas le temps. Je suis narrat de ma vie, mais bon j'ai pas le temps. Tu veux que ça aille vite, t'es fanatique. Le rap c'est pas de la magie, tu t'agites, mais moi j'ai pas le temps. Non, non, j'ai pas le temps. Non, non, j'ai pas le temps.